Et moi, pendant ce temps-là, je passais la gravière. Et moi, pendant ce temps-là, je passais la gravière. Et moi, pendant ce temps-là, je passais la gravière. Et elle, pendant ce temps-là, elle me pissait sur les doigts. Oh. Il y a les gars devant et puis ceux de derrière. Moi, je suis derrière. Il y a les gars devant et puis ceux de derrière. Moi, je suis derrière, en train de nettoyer la merde avec la ridelle. Et moi, pendant ce temps-là, je passais la gravière. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais, hein? Je sais pas.